Chapitre 25. Malgré sa vie occupée, Madame de Lucilière trouvait le temps d'ajouter assez souvent une chanson nouvelle à son répertoire déjà si varié. Et si elle n'avait pas encore écrit une opérette, ce qui était sa grande ambition, elle espérait pouvoir le faire bientôt. Déjà, elle avait 3 ou 4 sujets en train, et plusieurs compositeurs plus ou moins titrés comptaient sur son poème. En attendant, elle avait, en ces derniers temps, écrit une chansonnette ayant pour titre « Le serpent qui avalait sa couverture », dont ses intimes parlaient avec des éloges tels qu'ils eussent suffi pour contenter les exigences d'un pianiste ou d'un ténor. Vous savez que la marquise a fait une chanson nouvelle, « Le serpent qui avalait sa couverture ». Eh bien, elle me l'a chantée, parole d'honneur, c'est renversant. Vraiment, on n'a jamais rien fait de plus drôle, mais il faut l'entendre chanter elle-même. Et de qui la musique ? Du prince de Kranitz. On est enchanté au lieu de cette collaboration. On y voit comme un gage d'alliance. Quelle plaisanterie ! Pas du tout. La marquise de Lucilière a été félicitée à ce sujet. Pour le serpent qui a balayé sa couverture. Pour l'influence qu'elle exerce sur le prince de Kranitz. Enfin, on ne peut pas l'entendre, cette histoire du serpent. Il faut la demander à la marquise elle-même, car elle n'en a donné de copie à personne. Je la lui demanderai. Il était de bon goût de parler de ce fameux serpent, c'était un sujet de conversation. Il y avait même des privilégiés qui fredonnaient le refrain. Ce serpent se repent, à la pénitence il pense. Ce serpent, se sauve en serpentant. Pourquoi ce serpent pensait-il à la pénitence? Qu'avait-il fait? Lorsque Madame de Lucilière trouva que la curiosité était suffisamment surexcitée, elle promit à ses intimes de les réunir un jour à Chalençon pour la première audition du serpent. Mais comme il ne lui convenait pas de faire elle-même tous les frais de cette fête et de donner à elle seule un véritable concert, elle invita pour la suppléer une chanteuse du Midi qu'on était en train d'inventer pour l'opposer à Teresa. Pendant longtemps, Madame de Lucilière avait été fanatique de l'interprète de la femme à barbe et du sapeur, et presque tous les soirs, on la voyait dans les coulisses de l'Alcazar, où elle venait féliciter la célèbre chanteuse. Elle lui avait même demandé des leçons. Ce n'était pas de l'admiration, c'était de l'engouement. Elle ne parlait que de Teresa, il n'y avait que Teresa, c'était une passion. Mais d'autres femmes de son monde ayant été encore plus loin qu'elle dans cette fantaisie, elle était revenue en arrière. Teresa n'était peut-être pas ce qu'on avait cru tout d'abord, et puis elle était toujours Teresa. Et chez elle, la réaction avait été d'autant plus forte que parmi celles qui montraient le plus d'enthousiasme pour Teresa, se trouvait une grande dame fort à la mode, avec laquelle Madame de Lucilière avait été autrefois intime et qui était maintenant son ennemie. Aussi avait-elle saisi avec bonheur l'occasion de se mettre en opposition ouverte avec cette ancienne amie, en donnant son appui à cette chanteuse nouvelle qui arrivait de Toulouse, pleine de confiance et portée par le succès. C'était une femme jeune encore, qui se faisait appeler Rosa Calazan. Elle était de grande taille, large d'épaule, avec un visage énergique, qui semblait fait pour exprimer les passions violentes, sans aucune grâce maniérée, mais vraiment beau de lignes simples. Un nez droit, un front superbe, avec des sourcils épais ombrageant des yeux profonds qui jetaient des flammes quand ils s'agitaient, et au repos languissant. En tout, une belle fille, mais d'une beauté singulière et étrange qui vous transportait loin du monde parisien. Comment cette femme, qui n'avait rien d'égrillard ni de provoquant, avait-elle été amenée à chanter des chansons? Cela était assez inexplicable. Cependant, ceux qui l'avaient entendue disaient qu'elle était douée d'un remarquable talent, que tout ce qui était simple, primitif, naïf, naturel, elle le rendait admirablement, et qu'elle pouvait être la chanson populaire dans le bon sens du mot. Il ne lui manquait pour cela que la chanson même. En attendant, elle chantait ce qu'on lui donnait au hasard. Bien ce qui rentrait dans sa nature, médiocrement ce qui s'en éloignait. Mais cette inégalité n'était pas un mal pour le succès. Elle donnait un aliment à la curiosité publique. Ce qu'on savait de sa vie éveillait aussi cette curiosité. Elle avait été la maîtresse d'un lutteur célèbre dans le Midi, de Marseille à Toulouse, qui s'était tué pour elle. Au moment où le prince Mazzazzoli cherchait des moyens pratiques et sûrs d'arriver au but qu'il entrevoyait, il reçut de la marquise, pour lui, pour la comtesse Belmonte et pour Carmelita, une invitation d'aller passer quelques jours à Chalençon pour entendre Rosa Calazan. Rosa Calazan, aussi bien que toute autre chanteuse, ne lui inspirait qu'un médiocre intérêt. et il ne se serait assurément pas imposé les dépenses de ce déplacement, s'il n'avait pas espéré que dans l'intimité de la vie de campagne, il pourrait faire des découvertes utiles à son plan. La marquise avait choisi pour sa réunion le jour de la fête de Chalençon, et c'était au son du mirliton que ses invités avaient fait leur entrée au château. Quelques chevaux même avaient été effrayés par un tir aux pigeons établi devant la loge du concierge. Bien que le château fût vaste et disposé pour de grandes réceptions, le nombre des invités était tel qu'on avait dû dresser deux tables, l'une dans la salle à manger, l'autre dans le vestibule, décorées de plantes et d'arbustes à feuillage ornemental. Ces invités comprenaient non seulement les fidèles de la marquise, le colonel Chamberlain, Serkis Pacha, le prince Seratov, le duc de Mestosa, Lord Ferguson, le prince de Kranitz, l'auteur de la musique du serpent, le baron Lazarus et sa fille, mais encore un grand nombre d'amis et d'amieux de Madame de Lucilière, qui étaient venus à Chalençon directement de Longchamp, et qui devaient retourner le soir même à Paris, ou dans leur château des environs, La Selle, Saint-Cloud, Saint-Germain, Marly, Versailles. Le dîner fut ce qu'étaient tous les dîners du marquis, exquis de chair, parfait de service, et Madame de Lucilière tint sa place à table, comme si, au lieu de chanter le soir, elle devait tranquillement s'installer dans un bon fauteuil. Mais il n'était pas dans son caractère de se ménager ou de s'inquiéter. Elle était si bien sûre d'elle-même qu'aussitôt qu'on fut passé dans le salon, elle fit asseoir le prince de Kranitz au piano. Et tout de suite, elle chanta une de ses chansons qui avait eu un grand succès, « Une femme à la mer ». Car elle ne voulait pas que sa protégée eût à subir l'inattention de convives qui dégustaient encore leur café. Puis après celle-là, et avant que les applaudissements eussent cessé, elle en chanta une autre. Alors seulement, elle céda la place à Rosa Calazan. Le moment était favorable, chacun s'était installé à son gré, les femmes dans le salon, les hommes dans le billard et sur la terrasse du jardin, d'où, grâce aux fenêtres ouvertes, ils voyaient et entendaient aussi bien que s'ils eussent été dans le salon. Mais on écouta à peine la chanteuse, on était venu pour le serpent, et c'était le serpent qu'on voulait. Ceux qui daignèrent lui prêter quelques secondes d'attention trouvèrent qu'elle manquait de chien. Quelle différence avec la marquise! Vous allez voir le couplet du Bastringue, comme elle le dit. Et l'on attendait le couplet du Bastringue et aussi celui du Caboulot. Pendant ce temps, Rosa Calazan chantait, glacée par l'indifférence qui l'accueillait, n'étant soutenue que par les applaudissements de la marquise et par les paroles encourageantes du prince de Kranitz qui l'accompagnait. Enfin, elle arriva au bout de sa chanson, elle vit quelques mains gantées se lever en l'air pour la claquer doucement. Puis tout de suite, un murmure emplit le salon et l'on entendit les voix crier « Le serpent ! Le serpent !» Madame de Lucilière voulait parcourir le salon pour envoyer quelques-uns de ses fidèles complimenter la chanteuse, mais on l'entoura et on l'amena presque de force au piano. Déjà, le prince de Kranitz avait préludé. Elle mit les deux mains sur son cœur et adressa un long sourire à ses invités. À qui ce sourire était-il particulièrement envoyé? Ce fut ce que le prince Mazzazzoli, bien placé pour observer, tâcha de découvrir, mais sans y réussir. Tout d'abord, il avait été chercher le colonel Chamberlain. Puis du colonel, il avait passé au prince Seratov, puis au duc de Mestosa, puis à Serkis Pacha, puis à Lord Ferguson, pour emmener enfin au prince de Kranitz, qui restait les mains posées sur le piano et les yeux levés vers la marquise. Pas de jaloux ou tous jaloux? Alors elle commença. Le serpent qui a avalé sa couverture. 1. Un serpent dit un jour, si je mangeais ma couverture, cet acte contre nature, ferait du bruit à la cour. Là-dessus, cet animal cocasse se dépêche de l'avaler. Ça lui faisait bien une masse, mais il pouvait respirer. Ce serpent, avait la panse très dense. Ce serpent était vraiment trop gourmand. Un tonnerre d'applaudissements accueillit ce premier couplet, dominé seulement par quelques exclamations arrachées par l'enthousiasme. C'est très drôle, charmant, renversant. En tout cas, ce qu'il y avait de vraiment drôle, de vraiment renversant, c'était le contraste qui existait entre la chanteuse et la chanson. Comment croire que cette femme, si pleine de distinction, était l'auteur de cette extravagance? Elle continua. 2. Après ce repas hardi, le serpent se met en route, pour aller casser une croûte, chez Madame de Rikiki. On lui sert une poularde, et pour la mieux digérer, il absorbe toute la moutarde, y compris le moutardier. Ce serpent, ce serpent fit une imprudence immense. Ce serpent était par trop imprudent. » Madame de Lucilière ne donna pas le temps aux applaudissements de se produire. Tout de suite, elle reprit. 3. Un vieux duc très distingué, ce n'était pas le duc d'en face, lui dit « Venez donc que je vous fasse voir un caboulot soigné. » L'autre accepte l'ouverture, mais au fond, ça l'ennuyait. Il sentait la couverture qui tout doucement remontait. Ce serpent avait des transes intenses. Ce serpent était vraiment bien souffrant. Cette fois, il fallut qu'elle s'arrêtât, car il s'était levé dans le salon, dans le jardin et dans le billard, un murmure approbateur qui couvrait les accords du piano. On applaudissait de la main et de la voix, sans cette retenue, sans cette restriction que les gens du monde apportent ordinairement à la manifestation de leurs sentiments. Le prince de Kranitz frappa fortement la ritournelle, et le silence s'établit. 4. Au Bastringue, on lui fait de l'œil, car il avait des banknotes. Il valse avec les cocottes à se faire descendre au cercueil. Mais, dans la grande aventure, comme il allait s'embarquer, blattit pas la couverture qui, quick, vient tout arrêter. Quel tableau! La convenance s'offense. Quel tableau! Vraiment, ça n'était pas beau. Tandis que quelques femmes croyaient devoir se cacher derrière leur émantail pour ne pas voir le tableau, les hommes trépignaient d'enthousiasme. Des fleurs arrachées aux corbeilles et aux plates-bandes du jardin furent lancées à la chanteuse et vinrent tomber autour d'elle et sur son collaborateur. On cria bis, mais elle ne se rendit pas à cette exigence. 5. La morale de tout ceci, c'est qu'en fait de couverture, à deux, pendant la froidure, dessous, on est bien blotti. Quant au malheureux reptile dont le cœur fait tic-tac, tic-tac, il ne va pas dîner en ville, vu ses grands maux d'estomac. Ce serpent, à la pénitence, il pense. Ce serpent, se sauve en serpentant. Ce serpentant, roulant à l'infini sur des airs, fut le bouquet de ce feu d'artifice. On s'était élevé, quelques hommes avaient escaladé les fenêtres et tout le monde entourait Madame de Lucilière, la complimentant, l'applaudissant, lui serrant les mains. C'était mieux qu'un succès, c'était un triomphe pour le poète, aussi bien que pour le compositeur et la chanteuse. Pendant un quart d'heure, on n'entendit que des exclamations d'enthousiasme. Mais après le premier enivrement du succès, Madame de Lucilière se rappela Rosa Calazan. Prenant le bras du prince de Kranitz, elle alla trouver celle-ci dans le petit salon où elle était seule, sans que personne s'occupât d'elle, triste et sombre dans un coin. « Je viens vous chercher, » dit-elle, « à vous maintenant. Et que voulez-vous que je chante, madame, après un pareil succès ? Au contraire, l'instant est favorable, vous trouverez un public entraîné. N'ayez pas peur, quelque chose de salé, d'épicé, bravement. Mais je n'ai rien de plus salé que ce que vous connaissez, c'est trop fade. Jetez-vous au feu intrépidement, vous pouvez tout risquer, je vous y autorise. Il vous faut un succès n'importe comment, n'ayez qu'un souci, nous étonner, nous remuer. Mais comment ? Frappez fort, tout est là, la glace brisée, vous direz ensuite ce que vous voudrez. Non, madame, restons-en là, je vous prie. Pas du tout, je n'y consentirai jamais. Il faut que ceux qui vont sortir d'ici, ce soir, répètent votre nom et parlent de vous. Voyons, que dites-vous le mieux ? Quel a été votre grand succès ? Avec quoi avez-vous produit le plus d'effet en public, dans le particulier ? Non, c'est impossible. Rien n'est impossible ici, au contraire, c'est l'impossible qui nous remuera. Vous me demandiez avec quoi j'avais produit le plus d'effet, c'est avec la Marseillaise. Ah, voilà qui serait drôle. Je ne peux pas chanter la Marseillaise chez vous, le fait est. Et pourquoi pas, au surplus, Rachel l'a bien chantée, c'est une idée. Et vous, prince, qu'en pensez-vous, pouvez-vous accompagner la Marseillaise ? Oui, je crois. Eh bien, vous allez chanter la Marseillaise, et je crois que nous allons voir de drôles de têtes. Allons, vite, venez. » Et sans laisser le temps de la réflexion à la chanteuse, elle la prit par la main et l'entraîna dans le salon. L'impossible, et souvent même l'absurde, était ce qui entraînait la marquise. Cette idée de faire chanter la Marseillaise chez elle lui paraissait en ce moment tout ce qu'il y avait de plus drôlatique au monde. La Marseillaise, après le serpent qui avalait sa couverture, quel contraste cocasse! Si elle avait eu le temps, elle aurait envoyé chercher les chantres de la paroisse pour leur faire chanter le Dies Irae. Et ensuite, elle aurait terminé le concert en chantant elle-même. Ouh là là, que c'est drôle! Une de ses chansons les plus salées. Mais il fallait se contenter de la Marseillaise, et c'était déjà quelque chose. Se plaçant devant le piano dans l'attitude d'un régisseur qui parle au public, elle leva la main pour imposer silence. « Je vous demande votre attention pour Mademoiselle Rosa Calazan, » dit-elle, « qui va nous dire un morceau dont le choix a été arrêté entre nous. » Le prince de Kranitz s'était assis au piano. Aux premiers accords, une sorte de frisson courut dans le salon. Mais comme on crut à une plaisanterie ou à une parodie, on se mit à rire. Mais ce n'était point une plaisanterie. Rosa Calazan avait commencé. « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. » Et suivant le conseil de Madame de Lucilière, elle s'était jetée intrépidement au feu, donnant toute son âme, toute sa passion. Elle s'était transfigurée, et elle était vraiment belle, d'une beauté farouche. Mais on ne pensait guère à l'admirer. On la regardait, on l'écoutait bouche ouverte avec stupeur. Comment ? Ce n'était pas une plaisanterie ? C'était sérieusement qu'on chantait cette abomination. Avant qu'elle eût achevé le premier couplet, on vit M. de Lucilière, qui était au fond du salon, s'avancer en écartant précipitamment les groupes qui gênaient son passage. Mme de Lucilière s'était assise sur un tabouret auprès du piano. Il vint à elle le visage enflammé. « Et quoi, madame ? » dit-il. « Comment, vous ne la trouvez pas drôle ? » s'écria-t-elle en riant. Le premier couplet était achevé, mais le prince de Kranitz, voyant l'émotion produite, s'était arrêté. À ce moment, par les fenêtres ouvertes, on entendait une clameur qui s'élevait sur la place du village, puis des bravos claqués par des mains vigoureuses vinrent ébranler les vitres. De la place de la fête, qui se trouvait sous l'esplanade du château et à une distance assez courte, on avait entendu la chanteuse et on l'applaudissait. « Encore, encore !» crièrent quelques voix. « Le second couplet, encore !» Puis au bout de quelques secondes, des voix rudes, mais puissantes, se mirent à chanter. « Amour sacré de la patrie, conduis, soutiens nos braves vengeurs !»« Eh bien, madame, » dit le marquis, « vous voyez le beau résultat de cette folie ?» Chacun s'est élevé, des groupes s'étaient formés, et Rosa Calazan, abandonnant le piano, était sortie du salon.